Parle-moi en détail de l'état de négoisation. Tu as parlé souvent de la négoisation, mais pas de l'état. J'aimerais goûter plus énergétiquement ce que j'en perçois. On va y revenir. Je veux arrêter de fumer depuis des années, mais je ne peux pas. Je perçois l'intelligence de le faire, mais le corps en a besoin. Dis-moi comment faire. Ça, je serais mieux placé que toi pour y répondre. Veux-tu y répondre? Je serais mieux placé que toi, je pense. Moi, je fume pas, puisque tu fumes plus. Alors, je veux arrêter de fumer depuis des années, mais je ne peux pas. Fais attention, la personne, elle veut arrêter de fumer, mais elle ne peut pas réussir. Il n'y a rien à faire. Alors, dans ce temps-là, elle continue à vouloir arrêter de fumer, puis elle continue à fumer. C'est plus simple. Elle ne se culpabilise pas, et puis, à un moment donné, bien, elle pourra, quand elle aura suffisamment cellularisé certaines choses, elle pourra cesser de fumer. La cigarette, elle permet à l'individu de se terrestrifier. C'est pas juste la théorie, c'est vrai pratiquement. Alors, même si ça pollue le corps physique, même si ça empoisonne l'atmosphère des autres, même si, etc., etc., c'est intelligent de fumer pour celui qui est pogné à fumer. Ce n'est pas intelligent de fumer pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Alors, ça ne sert à rien. La personne, elle doit continuer à vouloir arrêter tout en continuant de fumer. C'est la seule solution qu'elle peut avoir. Or, je pourrais lui en inventer des solutions qui la feraient triper, qui pourraient la stimuler une semaine ou deux à essayer. Ça ne marcherait pas plus. Et après ça, on pourrait lui dire c'est parce qu'elle n'a pas fait comme il faut. Mais ça ne sert à rien. La cigarette, ça empêche l'ego de se suicider trop vite, dans bien des cas. Alors, on continue à fumer dans ce temps-là. On continue à trouver ça stupide, à trouver ça inintelligent. Et puis, à un moment donné, ça va arrêter tout seul. Mais pour cela, on doit attendre que le corps soit suffisamment solide pour être capable de résister à l'énergie de certains événements. Ce qui n'est pas le cas chez le fumeur. Ce qui n'est pas le cas chez celui qui mange trop. Ce qui n'est pas le cas chez celui qui a beaucoup de relations sexuelles ou qui se masturbe énormément. Ce qui n'est pas le cas chez celui qui doit constamment écouter des vues d'horreur. Ce qui n'est pas le cas chez celui qui doit faire de la course automobile pour triper avec la vie ou conduire rapidement ou se droguer. Toutes ces choses sont des choses qui terrestrifient l'humain de façon à lui permettre d'exprimer à l'extérieur de l'énergie que le corps n'est pas capable d'assimiler. Il y en a qui vont pleurer. Pleurer, c'est la même chose. Trop d'énergie, le corps n'est pas capable de le supporter. Au lieu de se détruire, il pleure. Mais d'autres individus vont faire d'autres choses. Il y en a qui vont chialer tout le temps, crier tout le temps. Bon, la femme, lorsqu'elle est menstruée, elle a nécessairement un peu plus d'énergie vitale qui circule au niveau de son corps physique et bien souvent, elle sécrète plus d'hormones et sa condition psychologique change. Ça lui permet d'absorber l'énergie ou de la rejeter. Alors, la cigarette, c'est un peu le même phénomène. Lorsque le corps physique n'est pas suffisamment solide pour supporter une dose d'énergie, ça commence à faire ça. J'ai déjà expliqué que moi, de temps en temps, en conférence, ça arrivait que ça me piquait sur le nez. Absolument idiot, mais c'est comme ça, c'est intéressant. Alors, l'énergie sortait par un endroit cutané, puis ça, je me grattais. Le temps que je me grattais, ça me distrayait. Même si je m'organisais pour ne pas trop me distraire, ça coupait un peu le contact, ça faisait qu'il y avait moins d'énergie qui passait, et ça permettait à mon corps physique de mieux le supporter. Il y a 3 années, à un moment donné, j'ai eu un contact supramental comme j'en avais jamais eu. J'en ai, que maintenant, c'est au-delà de ça, mais à l'époque, et j'ai eu le goût de rire. Alors, je ne me rappelle plus quelle conférence, j'étais à la première ou deuxième première partie, je faisais la conférence tout seul en avant, et puis à un moment donné, j'ai eu tellement eu d'énergie que j'avais le goût de rire. Et j'ai commencé à rire à l'intérieur, je pouvais contrôler ce rire qui est de l'énergie, je l'absorbais, et à un moment donné, j'ai su que j'étais en train de faire sauter mon corps physique, de le détruire. Alors, j'ai décidé d'arrêter la conférence. J'ai tout fait pour baisser mon taux vibratoire en continuant à parler, je n'ai pas été capable. Comme le fumeur. Alors, j'ai arrêté la conférence après peut-être 3 quarts d'heure. La deuxième partie, j'ai demandé à Jacques de venir m'interviewer, de façon à ce que je monte pas trop haut. À l'époque, c'était pas le même Jacques non plus. Sinon, je voudrais savoir, là. Oui. Mais enfin, à l'époque. Alors, on a fait la deuxième partie. J'ai justement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai dit, viens, parce que si je continue tout seul, je monte trop haut, puis il faut pas. Alors, c'était comme la cigarette. Et puis, la troisième partie, on l'a fait aussi un peu tout croche travers. On s'est très, très, très bien. Mais par rapport à ce que j'aurais donné à l'époque, non. C'était beaucoup plus bas. Et c'est comme la cigarette. Alors, on ne doit pas se casser la tête, on fume, et d'autres boivent de l'eau. Hein? Et puis, quand c'est le temps d'arrêter, on arrête. C'est à ce moment-là que c'est facile. Oui. C'est pour ça que de plus en plus, ça devient plaisant de jouer maintenant que j'accepte que Jacques m'interviewe parce qu'on va haut. Et je n'ai plus aucune douleur, aucune souffrance, aucun problème, aucun stress d'aller n'importe où avec Jacques. Avec d'autres intervieweurs, c'est pas un problème. Ils peuvent pas m'amener à des places que je ne veux pas aller. Et maintenant, ça devient plaisant. Attends, je n'ai pas fini. Même ici, parmi tes fidèles obsèques évolués, Je me sens différente d'eux. J'ai essayé d'être pareil, de m'ajuster, mon corps dit non. Ma différence m'amène une solitude absolue, celle que j'ai depuis ma naissance. Comment faire? Devenir obstique ou fidèle à moi? Façon l'humain de toujours être fidèle à lui. Le corps de l'homme est sur terre pour former un double et disparaître. Le double pour faire disparaître la création. Quand le Nazaréen a eu sa fusion, pourquoi n'a-t-il pas commencé à résorber la création, puisque c'est notre rôle? Bon, alors la question, elle est mal posée, finalement. Pourquoi le Nazaréen n'a-t-il pas commencé à résorber la création? Ben, il a commencé à résorber la création. Et puis maintenant, nous autres, on doit finir. C'est facile à répondre. Si j'ai bien compris, on doit constamment chercher à s'ajuster tout en sachant que ça ne sera pas possible durant la phase d'inidentification. C'est ça. Alors, elle a bien compris. Ça ne valait pas la peine de venir à une conférence aujourd'hui pour apprendre ça. N'empêche que c'est exactement ça. On doit tout faire pour faire comme si, même si ça ne sert à rien. C'est comme j'ai expliqué pour la cigarette, continuer à trouver ce con, continuer à vouloir arrêter, puis continuer à fumer. C'est très inégoïsant. Pour la cigarette, en passant, Daniel, ce qui est bien important pour beaucoup de gens qui arrêtent de fumer, c'est de cesser le café. Ça, c'est évident. Puis pas boire d'alcool non plus. C'est ça. Parce que immédiatement, ils vont recommencer à en reprendre. Alors, c'est exactement ça. La personne doit tout faire pour s'ajuster, même si elle ne peut pas s'ajuster. Pourquoi elle doit tout faire pour s'ajuster, même si elle ne peut pas s'ajuster? C'est une question que tu aurais dû poser, ça. Ben, je pense que c'est, disons, c'est de la poudre. Mon agiteur est radeau de toi, là. Viens ici, tu là. Moi, je peux y répondre. Bon. Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens plus. Et non, l'agiteur est revenu. Ah bon? Alors, c'est coupé. Alors, à quoi ça sert de continuer à vouloir s'ajuster, même si on ne peut pas s'ajuster? C'est un peu comme la pensée positive, mais puis avancée. Ouah! Disons que, répondons plus clairement, que par un parallèle, en voulant s'ajuster, on instruit notre ego que l'ajustement est possible. À l'instant où on va être capable de s'ajuster, ça va être naturel, l'ego ne sera pas là pour résister. Si par contre, on n'essaie pas de s'ajuster régulièrement, au nom du fait qu'on n'est pas capable, que pour l'instant, ce n'est pas faisable, eh bien, lentement, l'ego, lui, on l'instruit simplement que l'ajustement n'existe pas. Lorsqu'on va devenir ajustable, bien, il va y avoir encore de l'ego. Et lorsqu'on va devenir ajustable pendant la phase d'anégoïsation, eh bien, l'ego va lutter pour t'empêcher de faire une chose qui ne se fait pas. Il n'a jamais expérimenté l'idée que ça pouvait se faire. Alors, on gagne donc énormément de temps de souffrance, on en élimine, on avance sur le temps, en faisant tout ce qu'il faut pour s'ajuster, même si ce n'est pas faisable, à l'instant où ça devient faisable, immédiatement, c'est exprimé. C'est comme celui qui fume. La journée que le corps n'a plus besoin de fumer, que la cigarette n'a plus besoin d'être là, que l'ego n'a plus besoin, lui, il ne sait pas qu'il ne fume plus. Alors, son ami lui offre une cigarette, bien, il en prend une, il va... Je ne sais pas. S'il a toujours voulu arrêter de fumer, la journée que plus rien chez lui en a besoin, quand son chum lui offre une cigarette, immédiatement, il va dire non. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il va arrêter de fumer, la fois qu'il réussit, il va dire non. Sinon, il peut continuer à fumer 10, 15 ans, parce qu'il ne saura pas qu'il n'a plus besoin de fumer. Donc, il doit vouloir arrêter de fumer. Même si ça ne sert à rien dans l'état, le fait de vouloir arrêter ne l'empêchera pas de fumer. Mais ça va lui permettre d'exprimer immédiatement son état lorsqu'il va être prêt à être exprimé. Alors faites votre maximum pour vous ajuster, puis à un moment donné, ça va marcher. Tandis qu'il y en a d'autres qui seraient capables de s'ajuster, qui vont être prêts à s'ajuster, mais ne le sauront pas du point de vue de l'ego, donc l'ego va continuer à s'opposer. C'est juste ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à sauver, dans bien des cas, 10 à 15 ans de niaiserie. Énormément de souffrance. On pourrait dire que ça prépare la volonté sans effort à venir se manifester. C'est ça. Ça prépare surtout l'ego à laisser la volonté s'exprimer sans problème. Sans effort. C'est ça. Donc, c'est important de continuer à vouloir s'ajuster, même si on manque notre coup. C'est important de vouloir continuer à cesser de fumer, même si on mentionne tout. C'est comme notre société, c'est important qu'elle continue à vouloir dépolluer, même si elle n'est pas encore structurée pour le faire. C'est important qu'elle le fasse. La journée qu'on va être prête, ça va passer comme ça. Comme tu dis, c'est important, j'en vois l'intelligence, je suis d'accord. Par contre, ce que ça crée, ce que ça amène des fois lorsque l'individu essaie de le faire, justement, ça amène une défaite. Hey, une défaite par-dessus défaite. Parce qu'il y a trop d'égo. Des fois, ils ont de la misère à s'ajuster. C'est pour ça qu'on doit s'en foutre. On doit trouver ça stupide, puis on doit le faire. Parce qu'on est obligé de le faire. Essayez. Mais on ne doit pas s'identifier à nos gestes. On ne doit pas s'identifier à ce que nous faisons. Ce n'est pas nous qui le faisons, on est manipulé. Mais on doit continuer à trouver ce compte. Je vis des changements, je prends conscience de comment je vis ou comment je ne vis pas. Je vis une phase d'écœurement et de désillusion. C'est mon ego. Si mon ego ne veut plus triper sur l'évolution. Non, excuse. C'est une parenthèse. Je vis une phase d'écœurement et de désillusion. Mon ego ne veut plus triper sur l'évolution. Dois-je l'instruire ou dois-je me fouter qu'il coopère, qu'il suive ou non? La personne devrait répondre elle-même à sa question. Une chose certaine, c'est que l'intelligence va dominer. Je pense qu'il y avait une autre phrase aussi qu'il y avait avec. L'intelligence va dominer. Ben oui, ben c'est une question, on va la poser. Alors, l'intelligence va dominer, donc, et cela veut dire que même si on est écœuré, même si on ne tripe plus, parce qu'il faut faire attention, c'est que la personne, elle m'explique qu'elle est rendue à un point où l'évolution pour elle n'est plus un trip. Alors, elle se dit, vu que c'est plus un trip, je lâche-tu? La majorité, ils n'ont pas à se poser cette question-là, parce que pour beaucoup de gens, l'évolution est une distraction, un passe-temps, un trip. Alors, c'est évident que tant que c'est trippant, on y va. Puis là, je ne suis plus trippant. Je vois-tu pareil? C'est le temps de prendre votre intelligence et de lui poser la question. Est-ce que c'est intelligent de continuer, même si c'est plus trippant? C'est comme moi, je déteste manger. Mais il n'y a rien de... C'est une des choses les plus connes que je conçois sur le plan planétaire, d'être obligé de s'alimenter. Devoir s'arrêter quelque part, s'écraser une table, fouiller dans un box de papier, si on est au restaurant, commander un paquet de lettres. Puis après ça, ils nous amènent ça. Là, on doit bouffer. Après ça, on doit attendre qu'elle vienne chercher l'argent. Et puis, elle nous met toujours le papier à l'envers. On connaît le prix, puis c'est pas grave. Et puis après ça, on doit payer. On doit s'en aller. Trois fois par jour. Ben moi, je suis chanceux, c'est une fois et demie. Mais quand même, ça devient stupide. Alors, c'est... Puis après. Alors, quand on regarde toute la structure même qui anime l'humain, à un moment donné, moi, je ne vois pas de trip là-dedans, mais j'envoie l'intelligence, mon corps en a besoin, j'applique l'intelligence. Si l'individu n'a pas suffisamment d'intelligence, eh bien, il va simplement cesser de penser qu'elle évolue. Il va évoluer pareil, mais il va cesser de penser qu'elle évolue. Et si elle voit l'intelligence, eh bien, elle va continuer à faire ce qu'elle a à faire. L'évolution, à un moment donné, va devenir autre chose qu'un trip, c'est évident. L'évolution, ça marche. Alors, en se conscientisant, à un moment donné, notre conscientisation fait qu'on ne veut plus triper sur ce que l'on fait. Par contre, maintenant, peut-être que l'intelligence peut prendre la relève sur la strade. Mon ego vit régulièrement des émotions comme s'il y avait un trac, un choc ou une peur. Mais il ne se passe rien. Exemple, je suis en auto ou dans la maison et cela arrive subitement. 1. Quel est ce phénomène? Est-ce un stress et ou une panique de l'ego? 1. C'est un contact astral avec des mémoires qui ont vécu des stress et des paniques. L'individu est en contact télépathique avec des mémoires du monde de la mort ou avec des mémoires de personnes déjà en train de vivre des événements similaires. Donc, la personne est en train de développer une extrasensorialité. Comment tu dis ça aussi? Oh, c'est ça. Oui, ok, c'est correct. Bon, j'en profite pour voir. Et puis, la personne développant cela, eh bien, nécessairement, elle vit ce genre de trac. 2. Qu'est-ce qu'un ego stable? Sensoricité. Extra. Qu'est-ce qu'un ego stable et un ego instable? Alors, le mois prochain, on va pouvoir répondre convenablement à la question dans le cours. L'ego instable est un ego qui est totalement fusionné, donc il est de même nature. Alors, si la personne elle est violente, l'individu est toujours violent. Il n'a pas besoin d'être motivé ou d'être agressé. Si l'ego est stable d'une façon bénéfique, pacifique, l'ego est toujours en paix, il n'y a pas de problème. Un ego instable est un ego pluriconstitué dont les parties sont soudées ensemble et non pas fusionnées. Alors, les énergies sont extrêmement différentes d'un endroit local, d'une coordonnée locale, d'une partie de l'ego à un autre. Or, l'individu vit donc, tous les égos sont toujours en rotation à l'intérieur de l'âme. La rotation de l'ego permet à des parties, des constituants différents de l'ego de venir s'exprimer par la partie de l'interpréteur actionnel en, en contact avec le phénomène hypothalamique. Et en même temps, il y aura une partie d'un décodeur de l'ego qui sera en contact avec le phénomène thalamique. L'ego est toujours en rotation. Maintenant, l'ego peut vivre des rotations dans différents plans. Alors, l'ego peut être en rotation, disons que le plan de l'interpréteur actionnique qui permet à la conscience de l'ego d'être réfléchi dans le système neuronique et dans le système hypothalamique pour donner une expression, est en haut. Alors, notre ego peut tourner, donc il est en rotation comme cela. Alors, la personne, elle a une apparente stabilité de conscience égoïque, c'est-à-dire que si elle est pacifique, elle est pacifique. Comme présentement, vos égos tournent à peu près toutes dans un sens particulier, et ce qui est, du point de vue de l'ego, en contact avec la conscience, reste le même. À un moment donné, on vous donne un coup de pied sur le tibia, et puis l'ego va tourner dans un autre sens. Alors, c'est une autre partie de l'ego qui vient se placer au niveau de la conscience. Alors là, on peut se mettre en colère. C'est la partie colérique qui vient. On peut avoir peur. C'est la partie de peur qui vient. Un ego stable, c'est un ego qui est fusionné, donc un ego qui est absolument de même constitution. Alors, quel que soit son ordre de rotation, de translation, de giration, ce qui s'exprime est, en grosso modo, la même chose, le même état. Un ego instable est un ego pluriconstitué dont les parties, dont les agglomérats sont soudés mais non fusionnés. Alors, il y a la peur, la gêne, l'enfance, le désir. Il y a un paquet de phénomènes expérientiels qui constituent l'ego, reliés à l'expérience du milieu comme à l'expérience réincarnationnelle. Et lorsque l'ego se met dans des girations différentes, eh bien, ce sont des parties différentes qui viennent s'exprimer au niveau de la conscience, ce qui engendre l'expérience hormonale dans le corps physique qui détermine des émotions différentes. Et on a donc affaire à faire un ego instable, en ce sens que ce qui est exprimé n'est jamais la même chose, jamais de même nature. Donc, c'est une instabilité psychologique. Tous les égos sont en giration, donc sont toujours instables du point de vue moteur, du point de vue de leur mouvement, sauf qu'un égo qui n'exprime que la même chose semble être un égo qui ne bouge pas. Alors, le terme stable devient plus ou moins précis dans son cas. Et l'égo qui exprime différents phénomènes, une claque en plein visage, tu deviens rouge de honte, et bien nécessairement, l'égo, dans l'apparence, devient instable, même s'il est toujours aussi instable que l'autre, mais son expression devient plus réalisée. Daniel, si l'homme est intentionnel... Daniel, si l'homme est intentionnel à cet univers, alors l'énergie sert à quoi en dehors de cette création? À rien, absolument rien n'existe même pas. Okay. Existe-t-il d'autres sortes d'énergie que la nôtre et d'autres créations? Sinon, comment expliquer l'accident? Premièrement, il n'existe pas d'autres créations ou d'autres créations, et il existe effectivement d'autres formes d'énergie différentes de la nôtre. Est-ce qu'à ce niveau, rien n'existe, mais existe quand même puisqu'il y a de la création, puisqu'il y a eu la création? Ça n'existe pas, même si c'est là. On peut se référer à la conférence de vendredi. C'est un autre paradoxe. Alors, si l'homme est intentionnel, l'homme n'est pas intentionnel de par sa nature, par contre, l'homme est prévu. Il est intentionnel par rapport à ce qu'il a engendré dans le contexte temporel. Intentionnel à cet univers, alors l'énergie sert à quoi? Ben, l'énergie, elle sert simplement à permettre à l'intentionnalité de pouvoir engendrer des formes, en l'occurrence l'homme. Très utile, l'énergie. Elle sert en même temps au déplacement. L'énergie sert à quoi en dehors de cette création? Absolument rien. L'énergie n'existe pas en dehors de la création. L'énergie, c'est un facteur de friction entre le temps et l'espace. Alors, existe-t-il d'autres sortes d'énergie que la nôtre? Eh oui, énormément. Et d'autres créations? Non. Sinon, comment expliquer l'accident? Ça n'a rien à voir. Si je dis oui, il y a d'autres créations, ça n'explique pas l'accident. Bon, il n'y en a pas. Et l'accident, on en a parlé vendredi. Est-ce qu'à ce niveau, rien n'existe? Au niveau de l'extra-créationnalité, rien n'existe effectivement. Mais existe quand même. Non, ça n'existe pas. Puisqu'il y a eu la création, ce n'est pas nécessaire qu'une chose existe pour engendrer quelque chose qui existe. Bon. Est-ce un autre paradoxe? Ce n'est pas un paradoxe non plus, ce sont des états différents. C'est comme de dire, la glace, elle a formé de l'eau liquide, alors pour que la glace devienne de l'eau liquide, il fallait donc que la glace soit liquide. Non. Alors, est-ce que c'est un paradoxe? Non, c'est tout à fait différent. C'est, on parle de glace et on parle d'eau, on parle de pomme et on parle de poire. Les deux sont constitués de minéraux, les deux sont constitués de phénomènes carboniques, organiques, mais ce n'est pas la même chose. Alors, lorsque l'on parle d'une chose qui n'existe pas parce qu'elle n'est pas limitée par le temps et par l'espace, donc elle n'est pas spatio-temporelle, elle n'est pas dimensionnalisée, nécessairement, ces choses-là contiennent ce que nous connaissons comme étant dimensionnalisé, les dimensions, les 13 dimensions de notre création, et les 4 les plus connues actuellement, la 5e dans les films. Lorsque nous parlons de l'extra-créationnalité, on ne peut absolument pas faire une projection de référence de ce que nous connaissons dans la création vers ce qui n'est pas de la création. Alors, ce n'est pas un paradoxe, c'est d'autres choses. Tu as déjà dit que le PNC, c'était comme un casse-tête mal fait que vous défaisiez pour le refaire, comme il faut. Qu'arrive-t-il si quelqu'un lâche le PMC quand le casse-tête est défait? Alors, premièrement, si une personne lâche le PMC quand le casse-tête est défait, il n'y arrive absolument rien parce que la personne est de toute façon reliée à un égrégore PMC qui va reformer le casse-tête plus ou moins comme il était avant, en lui laissant nécessairement des bribes neuves. Et si la personne lâche le PMC, c'est parce qu'elle a, elle a lâché le PMC, donc il n'y a vraiment pas de problème là. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des individus que j'avais avertis à un moment donné. Ils étaient en PMC 3 et ils pouvaient commencer leur PMC 4. Et s'ils le commençaient, je leur disais de ne pas lâcher avant le 6 ou de ne pas commencer le 4. Et il y a deux ou trois personnes qui ont effectivement lâché le PMC alors que je les avais mis en garde. Et il leur est arrivé un paquet de problèmes extrêmement emmerdants qui a été lentement dissous. Et après ces deux ou trois ans de lâchement de PMC, bien ça s'est replacé. Il y a certaines autres formes de cours que je prépare pour l'hiver qui vient. Et les individus qui vont vouloir commencer ce genre de cours, alors il faudra qu'ils signent un contrat comme quoi ils ne lâchent pas avant la fin du cours, parce que sinon ils ne peuvent pas commencer le cours. Et c'est un cours qui ne s'adressera pas nécessairement à tout le monde, qui va s'adresser aux individus qui sont prêts. Alors c'est un peu comme ce que nous faisons présentement à la campagne. Eh bien, il y a des individus qui m'ont demandé, oui, mais est-ce que ça va réellement me transformer? Je leur ai dit, donnez-moi au moins 3 mois. Et la majorité de ceux qui m'ont posé la question, eh bien, ne se sont pas inscrits au cours. Il y a énormément d'individus qui ont peur du succès et de la réussite, puis ils préféreraient, j'avais l'air trop sûr de moi. Alors, ce sont des choses. Quand je mets en garde contre quelque chose, c'est que c'est sérieux. Sinon, il n'y a pas de problème. Alors, quand une personne, on lui permet de lâcher le PMC sans l'avoir mise en garde, c'est parce que le casse-tête à l'intérieur d'elle est correct. Il n'y a pas de problème. Il y a des individus qui sont rendus jusqu'en PMC 6, mais qui étaient quand même de valeur PMC 3. Alors, on ne les a pas mis en garde. Et maintenant, la nouvelle structure de cours, elle fait en sorte de frustrer un peu plus les gens. Quand un individu n'est pas prêt, je ne veux pas le voir là. C'est plus simple. Ah, nécessairement, c'est plus frustrant. Et puis, on me traite d'un paquet de noms et puis on va voir ailleurs. C'est exactement ce que je veux. Je vais essayer de bien lire. Les personnalités ostéocratiques attendent-elles dans l'astral? En 88, je pense. Ici, en 88, je ne suis pas sûr. Il n'y a plus grand roi et rêve. Si oui, qu'attendent... Oh, roi et reine, excuse. Roi et reine. Si oui, qu'attendent-ils pour se réincarner? Mais c'est assez difficile à lire. Mais la reine, c'était le rêve des rois. Les personnalités aristocratiques attendent-elles dans l'astral... Aristocratique. Aristo. La guerre commence, on va. Ah, ben oui. Bon. Alors, les personnalités aristocratiques attendent-elles dans l'astral? Il y en a quelques-unes qui sont déjà réincarnées à travers des génétiques de personnes qui sont capables de transmettre de l'aristocratie. La majorité attendent dans l'astral. En réalité, ils n'attendent pas dans l'astral, mais ils sont dans l'astral, ce qui n'est pas pareil. Il n'y a plus grand roi et reine. Alors, aujourd'hui, non, mais dans le monde de la mort, c'est plein de mémoire. Si oui, qu'attendent-ils pour se réincarner? Ils n'attendent rien pour se réincarner, comme je viens de vous dire, ils n'attendent pas dans le monde astral. Ils sont dans le monde astral, ils n'attendent pas. Pas de conscience. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne se réincarnent pas immédiatement? Ben, il faut qu'un facteur planétaire les attire. Parce que vu qu'eux autres n'ont pas d'intentionnalité, dans le monde de la mort, on ne choisit jamais sa réincarnation. Quand on est attiré, on y va. C'est comme l'être humain. Quand il est attiré, il y va. L'être humain n'attend pas de tomber en amour. Il n'est pas en amour. Quand il est en amour, il n'attend plus, il y va. Alors, c'est un peu la même affaire. Quand l'attraction commence, quand certains corps physiques de personnes en phase d'anégoïsation vont commencer à attirer ces personnalités, eh bien, ils vont se réincarner. Mais Daniel, il y a sur la planète des endroits où, en apparence... C'est un mot dangereux, ça. Où, en apparence... Où il y a, en apparence, des réincarnations de gens aristocratiques. Exactement, en apparence. C'est ça, c'est pas vérifiable, là. Pour l'instant, mais je prends par exemple une ville comme Bel Air en Californie, où il y a énormément d'aristocratie. Il y a certainement des réincarnations aristocratiques à cette ville-là. Bon, alors vu que Bel Air est loin, on peut en parler un peu. Pas Mario, là. Non, je sais. Il y a des génétiques physiques qui ont été conservées du point de vue de l'attitude mentale, du point de vue de, non pas des lignées sanguines, mais des lignées mentales. Alors, nécessairement, tu as certaines régions dans le monde, Monaco en est une, tu vois, c'est Bel Air, bon, tu as certaines régions dans le monde où on a conservé des ondes de forme, donc des lignées astrales, qui permettent la réincarnation temporaire, de forme aristocratique. Et de temps en temps, il y a l'intelligence a besoin de faire descendre des personnalités aristocratiques, mais pas des rois. Par contre, c'est des personnes qui ont côtoyé des rois et dans l'administration des États, maintenant de compagnie ou de ce qu'on voudra, ou au niveau politique aussi, parce que si on regarde la famille Kennedy, c'était aristocratique. Bon, certains ne les aiment pas, certains les aiment bien, c'est un mélange réincarnatif de bon et de mauvais et une famille relativement puissamment géniale. Alors, c'était effectivement une lignée astrale aristocratique parce que toute la majorité des descendants de la famille ont été justement, juste qu'il y a eu plus qu'un un président américain Kennedy. Enfin, il y a eu des tendances. On les en a assassinés avant, là, mais il y aurait eu. Pas? Alors, donc, dans ces régions, dans certaines localités planétaires, ce n'est pas juste une apparence, mais ce ne sont pas des rois qui se réincarnent, les rois attendent. Quand un roi se réincarne, il faut faire attention, quand un roi se réincarne, présentement, il se réincarne pluralitairement. C'est-à-dire que si on prend de l'air, ça ne veut pas nécessairement dire que dans cette ville, les gens se réincarnent, c'est-à-dire qu'il y a réincarnation aristocratique. Là, ce sont plutôt des gens d'Europe, petit exemple, oui. De New York, qui se réunissent dans une ville. La lignée astrale est conservée dans certaines régions. Et nécessairement, ça va se réincarner aussi. Ça va se réincarner en France, mais ils vont s'en aller soit à Monaco, Bel Air. Au Québec, on a une région qui est en train de se développer pour recevoir des phénomènes aristocratiques que ça en vient. C'est dans les Laurentides, je ne dirais pas la place, parce qu'il y a déjà là qu'il manque de logements. Et puis, il y a aux États-Unis, il n'y a plus qu'une place. De toute façon, il y a énormément de places. Washington en est une. Il y a. Mais Bel Air. Mais il y en a d'autres. Une des plus belles. Que tu as vu? Oui. Qui est reconnue aussi. Quel lien as-tu avec le Christ? Combien de temps a duré sa période d'inidentification? C'est des questions que tu ne veux pas répondre, tout simplement qu'elle me dit, je me fais entendre. Dis-moi pas ça en avant comme ça. On fera pas? Mais non! Parce que je suis en période d'une identification, moi. Combien de... Je me juste pas. Il faudra changer l'intervieweur. Bon. Combien de temps a duré la période d'inidentification du Christ? Tu la mets à la fin aussi, pose-moi-la comme ça. Parce que quand tu me les poses, les questions, je ne peux pas répondre. Alors, quand tu me laisses le temps de pas y répondre, je ne réponds pas. Il faut que tu m'accroches. OK. Je t'accroche en hypocrite. C'est ça. C'est bon pour ça. OK. Quelle est la différence entre l'impersonnalisation et l'inidentification? Majeure. L'identification appartient à l'être humain et l'impersonnalisation appartient au surhomme. Lorsque l'inidentification est terminée. L'inidentification va faire en sorte que n'importe qui va pouvoir dire « Hey, mais t'es un maître! » L'impersonnalisation, ils pourront même absolument rien dire de toi, tu n'auras aucune personnalité. Mais l'inidentification admet toujours l'ombre de forme. Par contre, celui qui vit l'inidentification n'est pas identifié dans l'ombre de forme. Alors tout le monde pourra prétendre que t'es un dieu, et toi tu t'en fous, t'es inidentifié. Donc tu t'identifieras pas à un mot, à un dieu, à un habit, à une forme physique, à rien. Même pas à ta richesse de millionnaire. Tu t'identifies même pas à ça. Ce sont des outils. C'est intelligent d'être millionnaire, ça te permet d'accomplir des choses. Mais tu n'es pas identifié à ça, tu t'en balances. Alors, tu ne changeras pas de vêtements tous les jours en les mettant en poubelle, si tu n'as pas besoin de rencontrer des gens qui ont besoin de ça. Tu t'en balances. Tu ne souffriras de rien. Tu es inidentifié, mais les gens te mettront une personnalité. L'impersonnalisation ne se fait pas dans un corps physique. Il n'y a aucun être humain impersonnalisé qui a un corps physique. C'est au-delà du phénomène supramental. Tout à l'heure, on en a parlé. Alors, il y a une différence majeure. L'identification s'adresse à l'être humain. Et l'impersonnalisation, ça s'adresse à un phénomène cosmique. Donc, en partant, c'est l'être cosmique qui va le vivre et non pas l'être humain. On pourra se référer à la première partie. Comment devenir riche matériellement? En accumulant de l'argent. Comment devenir riche matériellement? Bon. Ça avait, il faudrait que tu me la poses à un moment donné, là, quand je suis parti, tu sais, là. Mais t'es pas parti, là? Oui, mais pas assez. Ça me plaît pas d'y répondre. La conscience qui intègre des incarnations le fait donc sur le plan astral. Pendant ce cheminement, qu'est-ce qui s'anime pour le même être sur ces autres plans? On finit le reste. Je ne vais pas partir. Il reste de web baisser. Dedans, c'est bon. Mets-le en arrière. Oui, mais j'ai hâte d'arrêter de lire et d'en poser. C'est ça. Moi, j'ai hâte qu'on finisse les questions, puis après ça, on la préscience d'être ici et de vivre sur une autre galaxie en même temps est-elle les mémoires archaïques suspendues par rapport à l'illusion terrestre ou est-ce vraiment la créativité en conscience sur ces autres plans? Non, c'est une manipulation astrale. Comment as-tu vécu cette phase d'anégoïsation? C'est à toi, ça. Ouais, j'ai pas besoin de ce papier. Ces questions-là, je veux pas avoir les papiers. Je veux que tu les poses, tu les reposes à ta façon. C'est ça. OK, moi, j'aimerais revenir sur un point que tu as parlé en premier temps. Lorsque tu mentionnais que ce qu'il y avait à faire lorsqu'on avait des bas, c'était de continuer à vivre. C'est très intelligent. Une réponse très claire. Maintenant, tout être humain, je pense, en tout cas, jusqu'à un certain point, on se dit tous, après, quand on regarde en arrière, dans le passé, eh bien, ce que j'ai vécu, ça n'a pas été si pire que ça. Et puis, on en vient à un point, à un moment donné, où beaucoup d'entre nous se disent, ce que je vis là, ça ne sera peut-être pas si pire que ça. Tout ce que j'ai vécu dans mon passé, j'ai pu en rire après. J'essaie d'en rire maintenant, puis c'est pas facile. Mais lorsqu'on est dans le bas comme ça, Daniel, inconsciemment, tous les gens ressentent qu'ils vont sortir du bas et ils vont remonter. Mais quand même, c'est des périodes excessivement souffrantes dans certains cas. C'est extrêmement souffrant parce que l'ego, l'être humain, est totalement identifié à son problème de merde. Comment ne pas s'identifier si l'identification du problème de merde est ce qui le fait souffrir? Comment renverser ça pour ne pas s'y identifier? En ne s'identifiant pas à ça. Oui, ça c'est une réponse très claire, très précise, très facile. Très facile, je suis d'accord. Tu me demandes comment le chat peut-il japper en devenant un chien? Oui. OK. Est-ce que... Est-ce que tu pourrais préconiser des méthodes pour l'ensemble des personnes qui, disons, rendues à un certain point, sont dans la merde? Puis qui sont capables, je suis sûr que les gens qui sont ici, Daniel, la majorité des gens, ne voient pas la merde de la même façon que les autres. Il y a la voix plus brune. Mais quand même, elle est difficile, elle est très difficile, parce que des fois, elle est de plus en plus forte. C'est bien, on devient sensible, fait qu'on sent plus. C'est ça. Mais, tu sais, c'est bien beau de dire ça, comme ci, comme ça, ainsi de suite, mais quand même, il y a certainement des clés, Daniel, que tu pourrais nous sortir en fouillant quelque part pour nous permettre de passer à travers ces périodes-là plus facilement. Effectivement. À toi la parole. C'est un salaud, essayez. Hein? Bon. Premièrement, prier, c'en est une. C'en est une. Alors, je vais passer certaines clés, là, puis on va voir si en fouillant quelque part, je peux en trouver des nouvelles. Prier. Quand tu es plus évolué, tu pries plus, tu te drogues ou tu bois. Des moyens, ça, là. Quand tu es dans le fin fond du trou. Quand tu es plus ou plus? Quand tu es plus, tu pries plus, tu te drogues. Quand tu es encore plus évolué, tu ne te drogues plus de surprise. OK? Et quand tu es encore plus évolué, tu stagnes. T'attends. Alors, la chose, c'est que l'être humain doit immédiatement, on parle de clé, s'entraîner immédiatement à devenir patient. Parce que quand on est dans le fin fond du bas du trou, tout ce qui reste d'utilisable par l'homme, c'est ce qu'il a cellularisé. Parce que l'être humain ne peut pas réfléchir, il ne peut pas se convaincre, il ne peut pas se motiver, il ne peut pas rien faire. Il prie. Alors, l'instinct, la mécanique qui reste à l'intérieur de l'homme, elle va être la seule. Si l'être humain n'a pas cellularisé le fait qu'il doit absolument rester vivant, il peut se suicider. Chez d'autres êtres humains, le suicide ne leur viendra jamais à l'idée. Chez d'autres êtres humains, ils ne boiront pas, ils ne se drogueront pas. Ils vont crier, ils vont chialer. Mais c'est tout. Parce que c'est cellularisé chez eux, le fait de ne pas boire, de ne pas oblitérer leur pensée ou leur conscience, et de ne pas se suicider. Alors, on doit immédiatement cellulariser une chose, c'est la patience. On doit comprendre que l'être humain n'a pas de libre-arbitre. Pas juste l'apprendre, on doit le comprendre. Et on doit comprendre aussi que quand une chose, quand on est rendu carrément dans le fond d'un trou, c'est qu'il y a des choses que notre ego, que nous voulons faire, qui n'est pas convenable de faire, soit parce que ce n'est pas le temps, donc on est en avance sur notre temps. Il y a des individus qui se font massacrer complètement, simplement parce qu'ils sont trop puissants. Trop puissants avec de l'ego, donc leur ego prenant la puissance, la transformant en pouvoir, ils voudront accomplir des choses que ce n'est pas le temps qu'ils accomplissent. Alors vu qu'ils n'ont pas l'intelligence de fermer le grand gueule et de s'asseoir pour jouer aux échecs, eh bien nécessairement on les rend malades. On leur fait faire des faillites, on les rend pauvres, on leur empêche, on leur élimine les outils qui pourraient leur permettre d'exprimer une chose quand ce n'est pas le temps. L'individu va dire « Ah oui, mais là, je t'écœuré, moi, ce mot de réponse-là, c'est pas le temps. » C'est pas le temps. Il n'y a rien à faire. L'individu en veut un autre, bien, on peut lui en donner 150 000 autres, mais la vraie réponse, c'est pas le temps. Alors, on doit cellulariser immédiatement la patience. Si tu veux une clé qui s'adresse à l'être humain qui a de l'intelligence, c'est celle-là. Présentement, tout va mal, il n'y a rien qui fonctionne. C'est simplement parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps pour toi. Et tu t'es accroché à un rouage qui te fait ralentir parce que tu n'es pas le temps. Comme je t'ai expliqué à un moment donné, tu n'es pas millionnaire. Chaque fois que tu fais de l'argent, tu la perds. Tu la donnes au centre de l'universalité et tu bâtis un centre. Il n'y a rien de pire que pour perdre de l'argent que de bâtir un centre d'évolution. D'ailleurs, le centre ici est le seul qui marche encore. Les autres font faillite les uns après les autres. Ah, un centre qui date d'un an ou de deux ans n'a pas encore fait faillite, ça va de soi. Mais quand on parle d'un endroit de classe, on en perd de l'argent. Et pourquoi? Eh bien, simplement qu'en bâtissant des structures comme celle-là, comme je t'ai déjà expliqué à un moment donné, présentement, toi, tu n'as pas besoin d'argent. Tu pourrais être millionnaire quand tu vas arriver à comprendre, puis quand tu vas faire de l'argent, c'est pour cesser de la donner. Oh, tu ne veux pas la donner? Non, d'accord, tu ne veux pas la donner, mais quand il y a une personne brillante que tu rencontres, tu es prêt à l'aider. Faut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps. Tu vas la pourrir. C'est pas le temps. Alors, nécessairement, quand tu vas décider, comme je t'ai déjà expliqué, là, on parle de quelqu'un qui est dans un trou. Tu n'es plus dans un trou, si tu comprends les choses, là, mais on parle de l'exemple. Alors, un individu qui est dans un trou totalement, c'est parce que ce qu'elle veut faire avec sa réussite ne doit pas être fait immédiatement. Quel que soit l'être humain qui est dans une forme d'évolution, et ça, c'est l'être humain en général sur la planète Terre, lorsqu'il est dans le trou, alors, je ne parle pas, moi, d'un haut et d'un bas, là, qui fait sécréter l'animal humain. On parle d'un impasse, qui semble être un impasse. C'est jamais un mur. C'est un mur du mois dernier, là. Bon. Alors, ce n'est jamais un impasse, ce n'est jamais un mur réel, mais l'individu ne voit qu'un mur. Alors, nécessairement, si c'est cellularisé, que, oh, de toute façon, je vais m'en sortir. En attendant, m'a commandé ma pizza, m'a mangé mon beurre de pinot. J'ai pas d'argent. Je vais m'en sortir pareil, puis il m'a travaillé pour, puis ça va finir par venir. Ça va quand c'est cellularisé. Mais l'individu qui ne l'a pas cellularisé doit au moins comprendre l'idée même que, de toute façon, s'il est dans un impasse total, c'est parce que son succès va servir contre l'humanité ou contre lui. Et l'humain va dire, ben non, moi, je veux simplement, si j'aurais des millions de dollars, j'aiderais Sainte-Justine. Justement, faut pas. Sainte-Justine doit payer un karma et payer pour ramasser son fric. Ah, tu n'as pas compris, ça. Ah, ben, je. Voilà le problème. Je. Faut que tu fasses rien. Et là, tu pourras peut-être être riche, être dans ton petit domaine, renfermé, puis rien faire. Pas le temps. Là, tu te dis, oui, mais si je suis millionnaire, à quoi ça me sert d'être millionnaire? Rien. Ça te permet d'être dans un impasse confortablement. C'est tout. Ça te permet de devoir attendre, de toute façon, que le temps vienne, que ça soit le temps d'accomplir, mais au lieu de l'attendre dans un impasse pauvre, tu l'attends dans un impasse riche. Tu pêches, tu ramasses les poissons, tu les remets à l'eau, pas besoin, parce que ta servante, elle en a acheté plein. Bon, tu étais riche. Alors, simplement cela. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va arriver que tu vas fouiner, tu te promènes, puis il y a des individus qui vont venir te dire « c'est le temps ». Comment un individu vient te dire que c'est le temps? Eh bien, l'individu absolument génial vient te suggérer des idées. Il ne sait pas que tu es riche. Il ne faut pas que ça sache, parce que là, puis ça, tu trompes totalement le phénomène encore de la logistique du temps. Tu permets à des astrales, à des égos, de penser que c'est le temps, parce qu'ils ont hâte. C'est pas ça le temps. Alors, l'être humain qui est dans un impasse total, c'est simplement parce qu'il a des désirs astrales qui ne sont pas applicables présentement. Et s'il aurait de la puissance, eh bien, il essaierait de tout faire pour l'appliquer, nécessairement, il se casserait la gueule. C'est-à-dire qu'il se la casse déjà la gueule. C'est pourquoi il est dans un impasse. S'il vivait une vie impersonnalisée... Ah, il n'y aura pas de problème. Mais juste au niveau que tu l'expliquais tantôt. Non, ça va de soi. Au niveau, disons, un égoïque. Ouais. Alors, il n'y aurait aucun problème. Il ne vivrait pas d'impasse. Pas d'impasse idiote. Il serait dans la même position, mais la position ne l'affecterait pas. Est-ce que l'individu, justement, suite à ce que tu viens de dire, ne doit pas être dans cette impasse-là pour être au neutre, pour ne pas avancer ou reculer ou aller de côté? Oui, c'est qu'il faut que tu apprennes à être... vois-tu, tu t'en viens, toi, et puis tu t'accotes sur un camion avec ton automobile. Tu t'écrases, tes roues tournent sur l'asphalte, dans l'air. On dit dans le beurre, mais finalement, c'est dans l'air. Bon. Alors, ça tourne, tu veux avancer, ça avance pas. Ben c'est ça. Par contre, tu peux aussi simplement te mettre sur le neutre. Ou simplement conserver une vitesse, te mettre sur le contrôleur de croisière, puis suivre le camion, sans t'accoter dessus. Tu n'uses plus d'essence, tu n'uses plus tes pneus, tu n'uses plus ton moteur, tu n'uses plus ton différentiel, tu n'uses plus ta transmission, tu n'uses plus rien. Et là, tu es beaucoup plus confortable. Tandis que, parce que tu n'es pas là en sacrant, puis en chiolant, puis en gueulant après le gars, puis en usant tout, puis en voyant ton thermostat monter, puis tout ça, ton thermomètre monter. Il n'y a plus de problème. Alors l'individu qui est dans un impasse total, c'est toujours, il n'y a pas d'exception. L'intelligence, elle manipule les forces archangéliques astrales pour que l'être humain sécrète en tant qu'animal humain et il vit des hauts, des bas. Quand tu vis un bas, c'est que tu es important cosmiquement. Tu es un danger planétaire, un danger humanitaire. En ce sens que tu n'as pas la faculté d'accomplir les plans archangéliques et tu n'as pas non plus la faculté d'accomplir les plans melchisédiens. Donc, nécessairement, tu es un danger, c'est-à-dire que tu es un trouble fait. Tu n'es pas dans ton temps. Et comment on fait pour devenir dans son temps? Eh bien, on attend que toute l'humanité s'avance pour qu'elle nous rattrape. Mais comment on prend des vacances en attendant que l'humanité nous rattrape? Des vacances de 2, 3, 10, 15, 20, 50 ans. Et des fois, c'est 2, 3 vies. Comment on fait pour prendre des vacances confortables en attendant que l'humanité nous rattrape? Eh bien, on décide de déterminer. Je te vois venir. Bon, tu ne te vois pas venir encore parce que je n'ai pas dit ce que j'allais dire, mais... Alors, on doit s'arranger pour déterminer de quelle façon on peut sonder le temps pour savoir si c'est le temps. En attendant, on prend les vacances. Comment fait-on ça? Comment on sonde le temps pour savoir si c'est le temps? Il faut que tu poses la question, parce que quand je me la pose, je n'arrive pas à aller y répondre. Comment? Je ne sais plus. Je le sais, mais j'espérais que les gens étaient pour être polis. Je n'ai rien dit. Ils sont très polis. Comment trouver une façon pour sonder le temps de façon à en venir à agir au moment où c'est le temps? Bon. Alors, on est dans une impasse totale, une impasse en merdeux où on est malade. C'est une impasse. Une impasse où on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à être riche matériellement, on n'arrive pas... Avoir les bons amis, les bonnes personnes pour vivre, pour communiquer. On est toujours un petit peu martyr de la transition malgré qu'on s'organise. Tout va mal. Tout va mal. Alors, comment on s'organise pour prendre des vacances? Et on prend des vacances en cessant simplement de vouloir accomplir des choses que ce n'est pas le temps. Et comment on fait pour savoir si le temps est le temps? C'est une question qui est dangereuse parce que l'ego peut appliquer des choses et l'ego peut se faire charrier royalement par le plan astral. Alors, ce qui fait que si je ne réponds pas convenablement, je me fie sur toi pour continuer à pousser. Et on pourra arriver à expliquer des choses. Bon. Premièrement, la meilleure façon de savoir si c'est le temps, c'est le pile ou face. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais tu cours après à ce moment-là. Mais non. C'est le hasard qui va décider. Ce n'est pas le hasard. Il n'existe pas. Le hasard, c'est un phénomène astral, c'est une coloration. Le hasard, c'est exactement comme si le comte de Saint-Germain avait bâti une structure aléatoire où les humains qui n'ont pas à être en contact avec lui par aucune mécanisme d'intelligence n'arrivent pas à prendre de décision. Alors, il lance une pièce de monnaie dans les airs et la mécanique aléatoire, qui est tout à fait assujettie au phénomène évolutif de l'humanité, va faire en sorte que l'humanité va décider. Alors, s'il y a plus de pourcentage d'humanité qui est pour, eh bien, ta pièce tombe sur ce que tu voulais, pas que ce soit pour. Maintenant, l'individu, lui, lorsqu'il a fait un pile ou face, il a pile. Et là, il se dit, parce que bien souvent, l'individu dit, c'est face, j'y vais, c'est pile, j'y vais pas. Il lance, passe, non, face, j'y vais. Ouf, on va recommencer. En réalité, la pièce, elle fait juste lui dire quelle était son opinion. Parce qu'il espère qu'elle va tomber sur ce qu'il a besoin. Il veut une confirmation. La pièce de monnaie devient un maître, comme souvent on me pose des questions, pour se voir confirmer. Alors, toute cette structure du hasard de la pièce de monnaie, qui peut tomber sur la tranche de temps en temps, mais qui souvent tombe sur les côtés, sur une face, c'est une structure lazaréenne, donc Saint-Germique, qui est le choix de l'humanité. Maintenant, pourquoi on va dire, ben oui, mais si c'est le choix de l'humanité, devrait tout retomber sur le même côté? Mais à l'instant où tu as pris une décision, l'humanité est colorée au niveau astral. Alors, ça, la pièce peut retomber du même côté, si ce n'est pas suffisamment coloré, elle peut aussi tomber sur un autre côté. On parle du hasard. Et on a même des structures mathématiques qui ne marchent pas souvent pour arriver à comprendre le potentiel de ce hasard. Est-ce qu'elle peut être un petit peu plus bas encore, la pièce? Oui. C'est un choix d'humanité. Donc, ça devient collectif. Si l'humanité peut être jaloux de ta possibilité d'avancer, nécessairement, tu peux descendre plus bas. Par contre, c'est pourquoi je te dis que ça peut être dangereux. Par contre, il y a le phénomène du hasard, où tu lances ta pièce de monnaie, et tu regardes la réponse, et c'est Saint-Germain qui te répond. Pas besoin de prier, là. Saint-Germain, c'est pas un être humain avec un chapeau. Bon, c'est une forme qui n'est pas impersonnalisée, mais qui est presque impersonnalisée. Alors, c'est une chose d'autre. C'est un phénomène énergétique, c'est un état. Alors, donc, tu lances ta pièce de monnaie, et puis tu as la réponse. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple bien banal. Est-ce que c'est le temps d'investir la bourse? Alors, c'est simple, tu dis, et c'est là qu'on doit faire attention au phénomène de l'ego, où on laisse à l'humanité le choix de choisir pour nous, plutôt que de vérifier si le temps est là pour ça. C'est un exemple que je donne. Hein. Est-ce que je dois investir tout mon argent à la bourse? Tout mon argent, on ne doit jamais faire ça. Alors, est-ce que je veux investir à la bourse? Eh bien, tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux donner comme épreuve à Saint-Germain pour que celui-ci, mais tu n'as pas besoin de penser à Saint-Germain, mais une épreuve difficile qui ne se peut presque pas, et là, si ça marche, ça va fonctionner. Je donne un exemple, pour moi. À un moment donné, j'ai une antenne télescopique sur mon automobile. Toutes les antennes, pas mal de télescopiques, elles mènent des électriques télescopiques. Bon. Donc, alors, elle disparaît dans la carrosserie, puis elle peut ressortir. Et puis, ces antennes-là, bien, de temps en temps, ça ne marche plus. Hein? Bon. Le mécanicien m'a dit que c'est parce qu'il y a plein de marde qui se pognait après. Je suis sûr que c'est pas ça, j'ai vérifié, puis c'est de la poussière. Bon. Alors, tu éteins ta radio, tu éteins ton automobile, puis elle est supposée rentrer, puis quand tu rallumes la radio, elle est supposée sortir. Et de temps en temps, après quelques temps, ça ne sort plus ou ça ne rentre plus. Alors, la mienne, elle ne rentre plus. Puis je ne dérange pas. Je vais brancher. Alors, elle ne rentre plus. Et puis, à un moment donné, bien, je pose une question pour vérifier si c'est le temps de faire certaines choses. Et puis, si c'est le temps, eh bien, qu'est-ce que je peux bien vérifier? La pièce de monnaie, c'est trop con. L'astral s'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que je peux bien vérifier? L'antenne, elle ne rentre plus. Puis, le mécanicien m'a dit qu'il fallait changer le moteur, etc. Bon. Alors, c'est impeccable. Si, quand je vais partir mon automobile, quand je vais éteindre ma radio, si l'antenne rentre, c'est parce que c'est le temps. Je sais qu'elle ne peut pas rentrer l'antenne. Alors là, je ne peux pas me faire charrier. Alors, j'embarque dans l'automobile, j'allume la radio, j'éteins la radio, et l'antenne rentre. Il faut avoir un ego capable de supporter ce genre de choses, par exemple, parce que sinon, la personne devient folle. Bon. Alors là, une fois que c'est réglé, bien, je sais que c'est le temps. C'est simple, hein? Elle vient peut-être pas folle, mais elle se fait charrier en secret. Oui, bien, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui ont commencé à vivre comme ça, puis que Martin, ils partent de chez eux, puis ils arrivent, première lumière est rouge, ils attendent, on change au vert. Deuxième lumière est rouge, ils attendent, on change au vert. Troisième est rouge, le matin, c'est pas ma journée pour aller travailler, je vais d'abord. Ça, ce que je viens de dire là, c'est que j'ai connu des gens qui l'ont vécu. Mm-hmm. Après trois lumières rouges, ils reviennent de bord. Eh oui. Ils reviennent de bord. Mais mauvaise journée. Comment est-ce que... Quelle sorte de vie que... Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends les rues que les arrestants. C'est que... tu penses au patron? Si Mario, il n'y a pas de problème, il est juste à côté. Il n'y a pas de lumière rouge, il peut rentrer tout le temps. Il faut comprendre, c'est pourquoi j'ai expliqué, puis c'est pour ça qu'en poussant complètement, on peut arriver à trouver des structures que ceux qui n'ont pas à comprendre ne comprendront pas. Mais c'est pourquoi j'ai expliqué que la réponse peut être relativement dangereuse parce qu'il y a le charriage astral à l'intérieur. C'est pour ça que le pile ou face, c'est la solution, mais le pile ou face, c'est le danger. C'est pourquoi l'être humain doit être capable, d'être suffisamment capable de supporter une vérification temporelle suffisamment grandiose et suffisamment puissante pour qu'elle ne puisse pas être assujettie aux manipulations astrales. Mais le problème qu'il y a, c'est que si elle est suffisamment grandiose, cette vérification temporelle, n'étant pas manipulée par le phénomène astral, c'est que si la personne a la réponse, son ego peut ne pas la supporter. C'est ça qui est le problème. Alors, je donne un exemple. Par exemple, tu vas dire... j'ai une crevaison pour mon automobile, et puis ici, je dois faire telle chose, eh bien, je veux que le pneu soit réparé. Alors, tu sors, tu vas vérifier ton automobile, et le pneu est réparé. Et je connais beaucoup de personnes, quand je dis qu'ils virent folles, et bien, dépendant des vérifications, il y en a qui vont carrément capoter. Alors, c'est pourquoi on doit faire des choses. Maintenant, c'est évident que si on dit, bon, bien, c'est bien simple, alors si c'est le temps, je veux guérir de ma maladie. Mais non, plus avoir de dents plombées, puis plus de dentiers, mais d'en repousser instantanément. Si tu demandes un phénomène qui n'est pas intelligent, qui va trop égoïser ton ego, qui va trop te donner du pouvoir, qui va trop donner l'impression que tu peux manipuler n'importe quoi, que tu peux te prendre effectivement pour un autre, ou encore qui va traumatiser tous ceux qui vont vivre avec toi, eh bien, ça ne marchera pas. Tu n'as pas pris la bonne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit attendre que une forme d'intuition se développe chez soi. Et on doit poser la question convenablement pour avoir une réponse convenable. Et nécessairement, on va savoir si c'est le temps. Alors, toi, tu es pêcheur dans ton domaine, et puis tu pêches, et puis tu te dis simplement, eh bien, j'ai toujours attrapé des poissons de 2 livres, et bien là, maintenant, je veux savoir si c'est le temps que je fasse des conférences. Eh bien, si je pêche aujourd'hui et aucun poisson ne mord, ce qui n'arrive à peu près jamais, eh bien, ça va me permettre de réfléchir. Parce qu'il faut justement, il faut être un égoïque. Ça va me permettre de réfléchir. Et dans la journée, il n'y a aucun poisson qui mord. C'est intéressant. Eh bien, maintenant, je vais là et je veux qu'en 5 minutes, je chronomètre qu'un poisson mord. Et ça mord. Là, tu élimines de plus en plus le phénomène du hasard. Ça devient intelligent. Ça devient le hasard. L'intelligence te suit. Il y a une logistique dans les réponses. C'est pas aléatoire. Il y a une logistique. Alors, tu dis, bon, ben c'est très intéressant. Et maintenant, je vais... Et tu continues à trouver des choses. Tu lâches les poissons, là? Oui. Moi, je t'écoute, là. Je vois ça. Et puis... Je sais ça. Ce que tu dis, là... Je pense qu'on a pas mal tous essayé ça à un moment. Non, pas convenablement. C'est poser une question intelligente, puis poser astralement une bonne nuance. Pardon. Tu me poses des questions que je réponds. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me poser les mêmes questions. Ils vont dire, ben moi j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Mais la question n'était pas posée de la même façon. À toi? Mm-hmm. Alors c'est la même chose au niveau de ces structures-là. Tu poses ta question quand même. Absolument, absolument. Bon. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, Daniel. C'est pas ça que je veux dire. Seulement que je conviens avec toi, c'est très dangereux de commencer à jouer ce jeu-là. Ah oui. Parce que mais c'est la seule façon. Il faut avoir le... C'est la seule façon. Mais tu as le choix. Tu es dans une impasse, oui, mais c'est pas, dans la rue. Disons que tu utilises, là, tu donnes l'exemple d'utiliser une béquille pour le savoir. Mais tu peux aussi bien te poser une question, puis la réponse qui rentre, tu fonctionner comme ça. Il y a plus de danger comme ça de se faire charrier par l'astral. Oui, c'est dans les mêmes méthodes, mais est-ce que c'est que... N'est-ce pas? C'est assez pénible. Okay. Oui, absolument, absolument. Moi, j'ai rien contre ça. C'est parfait. Pour ceux que ça marche, c'est numéro un. Ceux qui sont capables de le faire marcher correctement, c'est parfait. Mais je conviens avec toi, c'est très dangereux. Maintenant, ça, c'était le numéro un. Numéro deux, ça, c'était quoi? La foi, Daniel, de... Je vais t'en suggérer une. La foi de savoir qu'il y a plus de solutions que de problèmes. Pas une petite foi là, astrale, là, mais la foi ancrée, une cellularisation pour utiliser tes mots. Oui, si c'est dans l'individu qu'il y a plus de solutions que de problèmes, puis il y en a un quand ça sera le temps qui va passer et qui va venir. Oui, moi, ce que j'ai amené comme réponse était la façon d'arriver à ne pas vivre d'impasse merdeux. Ce que tu me suggères présentement comme deuxième phénomène, c'est que tu vis dans un impasse extrêmement pénible et tu te motives, effectivement, comme tout à l'heure je t'ai dit, c'est l'individu qui a des cellularisations convenables qui lui permettent d'éliminer la peur de l'anti-homme de mourir et c'est lui qui tue le corps physique pour y intégrer le monde de la mort. Si le corps a suffisamment de cellularisation, l'anti-homme ne pourra pas s'exprimer convenablement pour empêcher le corps de mourir, pour empêcher le corps de vivre plutôt. Et nécessairement, ça peut aller. Alors, on parle de foi. La foi, il y a différentes formes de foi. Il y a la foi spirituelle, qui est une croyance exagérée dans un concept, mais il y a aussi une foi qui est une résonance vibratoire entre une condition existentielle puis l'être humain qui observe. Alors, effectivement, si on parle de cette foi intelligente, qui est une résonance vibratoire entre un événement à ciel et l'humain qui observe, eh bien, nécessairement, tu peux... En réalité, ce n'est pas que tu vas considérer énergétiquement qu'il y a plus de solutions que de problèmes, ce qui est un phénomène faux. Par contre, tu vas vibrer que... Un avenir potentiel dans vers lequel tu te diriges, qui est un avenir où tu t'en es sorti. Et là, l'interprétateur psychologique, c'est-à-dire l'ajusteur psychologique, l'intellect, va s'arranger pour te donner une manière d'arriver à intellectuellement comprendre ce que tu perçois. Et là, tu vas motiver ton ego par la pensée intellectuelle en disant que de toute façon, il y a plus de solutions que de problèmes. Parce qu'effectivement, il y a plus de solutions que de problèmes. Le problème, c'est de trouver la bonne solution. Et ça, c'est autre chose. Ça vaut pas, même s'il y aurait 25 000 solutions. Mais la personne qui est capable d'attendre mentalement que les solutions se présentent, justement... Donc, immédiatement, la solution va venir. Ça va être extrêmement rapide. Elle va commencer à vivre une phase de luxure, même si elle est confrontée à un mur. Et on en revient à la personne qui, lentement, se sort de ses problèmes, mais qui retombe dedans à chaque fois qu'elle fait quelque chose qu'elle ne sait pas. Pourquoi? Et c'est là que je te dis que c'est parce que la personne, elle fait des choses archangéliquement ou melchisédèquement dangereuses, et à l'encontre de des forces melchisédiennes ou des forces archangéliques. Et nécessairement, l'individu devra faire ce que je viens de dire, être peut-être millionnaire si elle le veut, mais attendre en jaugeant en le temps de temps en temps. Et maintenant, on revient à la question, comment faire pour savoir si c'est le temps, en lançant une pièce dans les airs. À ce moment-là, la personne, avec l'exemple dont tu viens de mentionner, qui est angélique, la personne personnifie des énergies cosmiques. Non. Elle décide qu'elle va faire telle chose. Pas si elle était plus impersonnelle, elle laisserait ce qui a à être fait. Ah, ça fait. En tout cas, elle pourrait au moins lire le livre. Non, ça ne pas faire. Non, je sais. Mais, non. L'individu qui est pris, qui est dans un impasse, est un individu qui inconsciemment veut faire des choses dangereuses. L'individu qui consciemment veut le faire est un individu manipulé par des forces archangéliques qui le missionnent à faire des choses. Or, l'individu, c'est inconscient. Oh, il est conscient qu'il veut peut-être donner de l'argent à Sainte-Justine, mais il n'est pas conscient qu'il veut sauver l'humanité. C'est nuancé. Par contre, l'individu qui consciemment veut convertir les fidèles, leur apporter la bonne nouvelle, sauver tout le monde, lui est missionné par une force extraterrestre astralisée ou par une force céleste astralisée. Alors lui, il va réussir. Il va avoir des petites souffrances comme ça, bah, parce que Dieu ne veut pas qu'il se prenne pour Dieu à un moment donné. Bon, c'est tout. Mais il va réussir. Ils ne sont pas dans des impasses totales. Il aura la foi spirituelle, il aura les croyances spirituelles, l'énergie d'un égrégore particulier, c'est au bout. Mais l'individu qui vit une forme de conscientisation, qui vit une forme de mutation, de temps en temps, il risque d'exprimer des gestuelles dangereuses. Une personne a dit, moi, je veux faire des conférences. Pourquoi? Pour développer ma pensée, ma parole. Oui, mais en faisant ces conférences, elle vient peut-être jouer dans les plates-bandes de phénomènes melchisédiens qui n'en veulent pas. C'est pas sa pensée qu'on veut pas qu'elle développe, mais c'est sa grande gueule qu'on veut pas entendre. Alors là, la personne, elle comprend pas comment ça se fait que là, elle est malade. Bien, on va lui dire, oui, mais c'est parce que tu veux faire des conférences. Bon, ben je veux en faire, puis je veux pas en faire. Tu sais, moi, personnellement, je m'en balance. C'est vrai qu'elle s'en fout, mais si elle est en santé, elle va en faire. Elle s'en fout, mais elle va en faire. Alors immédiatement, elle est malade. Elle peut pas en faire. La personne va dire, oui, mais moi, c'est... Non, mais moi, personnellement, tu sais, chiant, je fais pas de conférences. C'est un fait. Mais elle va en faire si elle est en santé. Qu'est-ce que c'est qui est la mécanique, là, Daniel, qui fait faire ça, là, que si elle est en santé, elle va aller en faire, mais qu'elle comprend quand elle n'est pas en santé, qu'elle n'en fait pas. Qu'est-ce que, comment est-ce que le jeu astral, oui, qu'est-ce que c'est qui se passe dans l'individu là, pour qu'il fasse ça? Là, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont attirés vers ça. Pas des conférences ou n'importe quoi, mais c'est un exemple, justement, de quelque chose que... Non, moi, je le ferais pas, mais tu le ferais en tabarouette, alors on te casse la gueule pour que tu le fasses pas. Parce que c'est pas question de compréhension, c'est question d'attirance. Tu le ferais. Alors, qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est pas compliqué tellement. Au niveau énergétique, notre individu, lui, il est dans une phase temporelle où il sent qu'il doit attendre. Il sent inconsciemment. L'ajusteur de pensée le sait. L'individu doit attendre. Nécessairement, vu que l'individu doit attendre, l'individu n'a pas de goût astral, donc il ne tripe pas nécessairement sur une chose plutôt qu'une autre. Donc, il sait inconsciemment, mais consciemment du point de vue de l'ajusteur de pensée, mais l'ego ne le sait pas, qu'il doit attendre. Il doit occuper le temps matériel attribué à son corps physique et à son corps astral en attendant que le temps cosmique puisse, chronométriquement parlant, arriver à le rejoindre. Donc, il doit attendre l'évolution de quelque chose d'autre. Ça peut être la libération d'un autre individu sur la planète, ça peut être l'évolution de l'humanité, ça peut être un nouveau gouvernement qui va être en place, ça peut être quelque chose, c'est un événementiel qui n'est pas encore là. Il sait qu'il doit occuper son temps. Mais là, pour lui, occuper son temps, étant donné qu'il est suffisamment énergétique, il le sait consciemment, mais l'ego ne le sait pas, donc c'est inconsciemment su chez l'individu, il pourra en parler, mais l'ego ne peut pas le vibrer, qu'il doit occuper son temps, alors il va occuper son temps. Il va occuper son temps comment? Bien, s'il est absolument énergétiquement prêt, il va occuper son temps comment? En faisant des conférences, par exemple. Mais c'est ça qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Ça, c'est une des occupations qui lui est interdite. Alors, quand tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'occupe. On le rend malade, il est occupé. Alors, vu qu'il s'occupe, bien, il est occupé, voilà. On brise son genre, il est occupé. Et on l'occupe. Mais serait-il plus facile d'enlever ce goût de faire de la conférence? On ne peut pas l'enlever parce que le goût de faire des conférences est un goût qui est en harmonie avec le phénomène même du contact de l'ajusteur de pensée. Alors, si on fallait qu'on coupe le contact avec l'ajusteur de pensée, mais l'ajusteur de pensée il est soudé en fusion, donc on ne coupe pas le contact. C'est beaucoup plus facile du point de vue cosmique de laisser toutes les choses telles qu'elles sont et de donner de la marde. Ouais. Oh, toi, tu n'aimes pas ça, mais je parle du point de vue cosmique. Si tu tu le prends, là, qu'au lieu de donner le coup des conférences, tu lui donnes le coup de lire le livre d'Urantia. Oui, il va lire le livre d'Urantia, puis on a le goût d'en parler. Ça va augmenter son goût, il va le rendre plus malade. Ça va le rendre plus malade. Alors, on fait une pause, et puis on revient. Des questions que je n'ai pas répondu, mais à part, parce que je vais le mélanger. Mais l'église, à un moment donné,